بسم الله الرحمن الرحيم ندخل الآن في المسألة 18 بعد المئة 118 مسألة في قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور que dans le sens où Allah dit que certes ce ne sont pas les vues qui s'aveuglent mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines que les yeux ne deviennent pas aveugles mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. قال رحمه الله تعالى ظاهر هذه الآية أن الأبصار لا تعمى. Donc ce verset laisse entendre dans son apparent que la vue, on ne peut devenir aveugle, perdre la vision, le sens de la vision réelle. وقد جاءت آية أخرى تدل على عمى الأبصار. Et tout le verset est venu s'opposant à cela. كقوله تعالى أولئك الذين لعنهم الله وصم وأعمى أبصارهم وأصمهم أولئك الذين لعنهم الله فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Ceux-là sont ceux que Allah a maudit et qu'il a rendu aveugle et sourd. Sourate Muhammad, verset 23. كَقَوْلِهِ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ. Et qu'il n'y a aucun grief sur l'aveugle. Sourate Al-Nur, verset 61. Et Sourate Al-Fath, verset 17. Donc là, Allah a bien démontré qu'il y a des gens qui sont aveugles, et ça c'est une chose qui est connue. D'accord ? Qu'il y a des gens qui sont aveugles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la vue. On appelle des non-voyants. قال والجواب أن التمييز بين الحق والباطل وبين الضار والنافع وبين القبيح والحسن لما كان كله بالبصائر لا بالأبصار صار العمى الحقيقي والعمى البصائر لا عمى الأبصار. Donc il dit le fait de distinguer entre la vérité et le faux, et entre ce qui est profitable et ce qui est nuisible, et entre ce qui est bien entre ce qui est mal, cela a lieu comment ? Avec le basa'ir. Basa'ir, c'est le djem de basira, et là, ce mot-là serait traduit par une clairvoyance. Ou également le aql, la raison. C'est traduit par cela également. Toutes ces choses-là, elles sont aperçues par la clairvoyance et la raison, et non pas par la vision. D'accord ? Et non pas par la vision en soi. Donc à ce moment-là, l'aveuglement réel, le vrai aveugle, en réalité, c'est celui qui ne voit pas les choses qui lui sont profitables, et non pas celui qui ne voit pas ce qui est autour de lui, qui n'a pas la vision, qui n'a pas la vue, on dira. C'est ça le sens voulu. La clairvoyance et la raison et non pas la vue. قال ألا ترى أن صحة العينين لا تفيد مع عدم العقل كما هو ضروري. Et ne vois-tu pas, par exemple, que le fait d'être voyant, tu es quelqu'un qui voit tout ce qui se passe autour de toi, tu as la vue, cela ne te sert à rien si jamais tu n'as pas de raison. Ta vue, tu ne peux tirer profit de ce que tu vois sans si tu n'es pas doté de raison. Comme cela est une chose qui est une chose qui est évidente. وقوله فأصمهم وأعمى بصارهم يعني بصائرهم أو أعمى أبصارهم عن الحق وإن رأت غيرهم. Donc sa parole lorsqu'il dit qu'il les a rendus sourds et aveugles, sourate Mohammed verset 23, c'est-à-dire qu'il leur a fait perdre leur clairvoyance et leur raison. D'une part. Ou alors on peut dire qu'il leur a fait perdre la vue. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas la vérité lorsqu'elle est devant eux, bien qu'ils soient en mesure de voir autre chose. C'est-à-dire qu'ils voient, ils ont la vue, ils ont leurs yeux, ils voient ce qui se passe, mais la vérité, lorsqu'elle se présente à eux devant leurs yeux, ils ne la voient pas. Donc ça, c'est aussi une forme d'aveuglement. هذا وجواب المؤلف في هذه الآية والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين.